Today is the 5th of March 2011, second day of our retreat. The instructions from the tapes yesterday were simple and quite clear, and they covered the basics very well. Yogis have now had a chance to experience both types of meditation firsthand. During the few sessions we have had, it is now appropriate to expand on both methods of meditation and their aims in more detailed structure. Aujourd'hui, nous sommes le 5 mars 2011. C'est le second jour de notre retraite. Hier, vous avez entendu les instructions pour la méditation. Elles étaient très simples, très claires et constituaient en fait la base de la pratique. Les yogis ont eu l'occasion depuis hier de pratiquer et d'acquérir donc une certaine expérience de la méditation dans ces deux postures. Il est temps maintenant de définir leur but et la méthode. Au cours de la pratique, nous devrons observer tous les phénomènes physiques et mentaux qui se manifestent à chaque instant, au moment précis où ils apparaissent en nous. Au début de la pratique, nous devons nous focaliser sur les mouvements de l'abdomen, comme le demande le très vénérable Mahasi Sayadaw. Observer les mouvements de l'abdomen correspond aux instructions qui se trouvent dans le Mahasatipatthana Sutta, le discours sur les quatre établissements de l'attention. Dans ce sermon, il y a un chapitre qui parle de l'attention aux quatre éléments primaires matériels. Dans ce chapitre, le Bouddha explique qu'il faudra être attentif aux quatre éléments au moment précis où il se manifeste en nous. Vata Vidatu, l'élément terre. Apo Datu, l'élément eau. Tejo Datu, l'élément feu. Et Vayo Datu, l'élément vent. Il ne faudra pas observer uniquement ces quatre éléments, mais tous les phénomènes physiques et mentaux qui se manifestent à l'intérieur de nous. Il faut comprendre que lorsque l'on parle de l'élément terre, il ne s'agit pas de la terre proprement dite. Il s'agit de la nature même de cet élément, c'est-à-dire des caractéristiques individuelles de douceur et de dureté. Dans les Écritures, il est dit que la dureté et la douceur sont les caractéristiques individuelles ou spécifiques de l'élément terre. En réalisant donc des sensations de dureté ou de douceur quelque part à l'intérieur de nous, dans le corps, nous avons la vision pénétrante des caractéristiques individuelles de l'élémentaire, Patavidatu. Lorsqu'on parle de l'élément eau, il ne s'agit pas là non plus de l'eau proprement dite. On utilise ce terme pour les caractéristiques individuelles de cet élément. La fluidité et la cohésion sont les caractéristiques spécifiques ou individuelles de l'élément eau, Apodatu. Lorsque vous réalisez, vous expérimentez la nature de la fluidité ou de la cohésion quelque part dans votre corps, vous réalisez l'élément eau. De la même façon, lorsqu'on parle de l'élément feu, il ne s'agit pas de feu, mais il s'agit plutôt des caractéristiques spécifiques de cet élément. La chaleur et le froid sont les caractéristiques spécifiques de l'élément feu, Tejo Datu. Pour ce qui est de l'élément air, Vayo Datu, il ne s'agit pas là non plus d'air ou de vent, mais ce terme réfère aux caractéristiques spécifiques de cet élément. Ces caractéristiques spécifiques de l'élément air sont le mouvement, la vibration, le support, et vous expérimentez ces choses dans votre corps. Lorsque vous sentez lorsque vous réalisez ou comprenez la nature du mouvement, de la vibration, du support quelque part dans votre corps, vous réalisez l'élément air. C'est donc ainsi qu'il faut comprendre les quatre éléments primaires. Le Bouddha nous dit, il faut observer tous les processus physiques et mentaux tels qu'ils se manifestent. Lorsque nous avons donc entamé la méditation, que nous sommes trouvés une posture confortable, nous allons diriger notre attention sur les processus physiques et mentaux. Il se peut que nous soyons dans la confusion, ne sachant pas lequel observer. C'est pour cette raison que le très vénérable Mahasi Sayadaw demande aux méditants de commencer par les mouvements de l'abdomen. Lorsque nous inspirons, l'abdomen va se soulever. Lorsque nous expirons, l'abdomen va s'abaisser. Nous devons focaliser notre attention sur ces mouvements de l'abdomen. Lorsque l'abdomen se soulève, nous devons noter soulèvement. Lorsqu'il s'abaisse, nous devons noter abaissement. Nous devons donc noter ainsi soulèvement, abaissement, soulèvement, abaissement. Il est donc possible de ressentir le mouvement, un mouvement vers le haut et un mouvement vers le bas dans l'abdomen. Cette caractéristique spécifique de Vayu-Dhatu doit être réalisée clairement par le méditant, de façon à ce qu'il puisse détruire la vue fausse qui fait croire en la personnalité, en l'être, en l'âme. Les méditants doivent observer le mouvement vers le haut et le mouvement vers le bas qui se manifeste dans l'abdomen, ou encore le mouvement vers l'extérieur, le mouvement vers l'intérieur. Et tout en observant, il doit faire la note mentale soulèvement, abaissement, soulèvement, abaissement. Lorsque vous observez, que vous contemplez les mouvements abdominaux, il est possible que vous entendiez un bruit et que ce bruit soit suffisamment fort pour qu'il faille le noter. Vous devez alors noter entendre, entendre, entendre. Au début de la pratique, il est possible que vous n'arriviez pas à comprendre ce phénomène. Vous devez alors, malgré tout, noter entendre, entendre le plus possible. Et lorsque vous estimez que c'est suffisant, que vous avez assez noté entendre, vous ramenez votre attention vers l'objet primaire, c'est-à-dire les mouvements de l'abdomen. Parfois, le son ne durera pas longtemps, une ou deux secondes. Vous devez alors simplement noter entendre et lorsque le son a disparu, votre esprit va spontanément revenir à l'objet primaire, c'est-à-dire les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, que vous notez comme d'habitude. Lorsque vous vous sentez heureux ou au contraire malheureux, lorsque vous vous sentez déçu, triste, tous ces états d'esprit devront également être observés tels qu'ils se manifestent et étiquetés mentalement comme heureux, heureux ou malheureux, malheureux, triste, triste, etc. Lorsque l'état d'esprit a disparu, la conscience attentive va tout naturellement revenir au mouvement de l'abdomen, qu'il faut alors observer comme d'habitude. Lorsque votre esprit s'envole et se met à penser, que ce soit à propos de votre travail, de votre famille, de vos amis, vous devez quitter les mouvements de l'abdomen et observer cet esprit qui pense. En faisant la note mentale, pensez, pensez. Vous devez être très prudent à ce moment-là. Lorsque vous observez un état d'esprit ou un état émotionnel, votre annotation doit être énergique, très attentive, précise et quelque peu rapide, de façon à ce qu'elle devienne continue, ininterrompue et constante. Lorsque l'esprit qui note devient puissant, la pensée ou le vagabondage de l'esprit va s'arrêter de lui-même. L'esprit qui note n'a alors plus d'objet à observer et il revient tout naturellement et spontanément au mouvement de l'abdomen qu'il faut alors noter comme d'habitude. Le Bouddha nous dit que l'attention doit être appliquée aux quatre postures du corps, c'est-à-dire la marche, la posture debout, la posture assise et la posture allongée. Lorsque vous marchez, vous devez être attentif au fait de marcher. Lorsque vous vous tenez debout, vous devez être attentif au fait de vous tenir debout. Lorsque vous êtes assis, vous devez être attentif au fait d'être assis. Lorsque vous êtes allongé, vous devez être attentif à cette posture également. Donc, quelle que soit la posture, il faut que l'attention soit toujours présente. Il est demandé aux méditants de pratiquer alternativement la marche et l'assise. C'est pour leur permettre de développer leur concentration plus facilement et de comprendre en profondeur les processus liés à la marche et à l'assise. Chaque session d'assise doit être précédée d'une session de marche, car pendant la méditation en marche, il est facile d'observer le mouvement des pieds. Cet objet est plus distinct, plus clair que les mouvements de l'abdomen que l'on observe en posture assise. Mais lorsque votre méditation aura mûri, il est possible que vous éprouviez le besoin de méditer en posture assise plus longtemps que pendant la marche. Lorsque vous aurez atteint le sixième stade de connaissance vipassana, vous pourrez pratiquer en posture assise plus longtemps qu'en marche. Vous pourrez pratiquer par exemple 2 ou 3 heures d'affilée et ne marcher que pendant 1 heure. À ce stade, votre concentration est bonne, profonde et puissante et elle vous permet de réaliser la dissolution de nama et de rupa, les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux. Mais au début de la pratique, vous devrez pratiquer plutôt la marche que l'assise, car vous n'êtes pas encore en mesure de pratiquer aussi longtemps en posture assise qu'en marche. Vous pourrez atteindre un certain niveau de concentration plus facilement par la marche que par l'assise. Vous devriez donc commencer par pratiquer la méditation en marche et en notant le fait de marcher. Lorsque vous faites un pas à gauche, notez gauche. Lorsque vous faites un pas à droite, vous notez droite. De cette façon, vous notez gauche, droite, gauche, droite, ou tout simplement marcher, marcher. Le fait d'étiqueter les phénomènes n'est pas important. Ce qui est important, par contre, c'est l'attention, l'esprit qui observe le mouvement des pieds. Vous devez donc privilégier l'attention, la renforcer et la maintenir sur le mouvement du pied. Mais au début de la pratique, nous devons utiliser la technique de l'étiquetage ou de la note mentale et donc répéter chaque fois soulèvement, abaissement, gauche, droite, pour que l'esprit reste focalisé sur l'objet de façon très attentive et précise. Lorsque la pratique aura pris du rythme et aura atteint des stades plus avancés, l'étiquetage ou l'annotation mentale pourra être abandonnée car l'attention sera devenue puissante et précise. Lorsque vous pratiquez la méditation en marche, ne fermez pas les yeux, gardez les mi-clos. Ceci veut tout simplement dire que vous devez être détendu, que vos yeux se fermeront à moitié tout naturellement. Vous devez fixer le sol à 2 mètres devant vous. Vous ne devez pas pencher la tête vers l'avant. Si vous le faites, vous allez ressentir des tensions dans la nuque et dans les épaules. Vous pourriez également avoir des maux de tête ou des vertiges. Vous ne devez pas regarder vos pieds. Si vous les regardez, vous ne pourrez pas vous concentrer sur le mouvement. Vous ne devez pas non plus regarder de tous côtés. Si vous regardez de tous côtés, l'esprit va suivre les yeux et votre concentration sera perdue. Il est possible que par moment, vous ayez envie de regarder autour de vous. Si par exemple quelqu'un passe à côté de vous ou devant vous, ce désir de regarder doit être attentivement noté tout en répétant mentalement « désir de regarder, désir de regarder ». Vous devez noter ainsi jusqu'à ce que ce désir ait disparu. Lorsque le désir aura disparu, vous ne regardez plus tout autour de vous. Vous pourrez ainsi maintenir votre concentration. Donc, soyez très attentif à ne pas regarder tout autour de vous. Vous pourrez ainsi maintenir votre concentration et développer les connaissances vipassana au moment où vous pratiquez la marche attentive. Vous devez garder les mains soit devant l'abdomen, soit dans le dos. Si vous avez envie de changer les positions des mains, vous pouvez le faire, mais vous devez le faire avec attention. Lorsque vous avez envie de changer la position des mains, vous devez d'abord noter intention de changer, intention de changer. Et vous devez alors passer au mouvement, mais très lentement, en observant attentivement tous les détails de ces mouvements. Vous ne devez rater aucun mouvement. Lorsque vous avez changé la position des mains, vous revenez au mouvement des pieds, ce que vous observez comme d'habitude. En méditation assise, les méditants qui ont déjà une certaine expérience de la pratique devraient rester sans bouger pendant au moins 45 minutes. Les débutants devraient rester assis sans bouger pendant au moins 30 minutes. Un débutant ne sera pas toujours capable de supporter, d'endurer les douleurs aiguës susceptibles de se manifester. Ils auront peut-être envie de changer de posture. Mais avant de le faire, ils doivent noter soigneusement l'intention de changer de posture. Ils répètent mentalement « intention de changer, intention de changer ». Et ensuite seulement, ils changent très lentement en étant attentifs à tous les mouvements qui sont impliqués dans ce changement de posture. Lorsqu'ils ont changé de posture, ils reviennent au mouvement de l'abdomen, l'objet primaire, qu'ils notent comme d'habitude. Pendant une retraite de méditation, vous devrez ralentir tous vos mouvements. Vous devrez éviter les actions brusques, être très lent et composé lorsque vous vous déplacez, de façon à pouvoir être attentif à chaque instant de façon détaillée. Lorsque vous êtes chez vous, vous ne devrez bien sûr pas ralentir vos mouvements. Vous devrez vous comporter normalement et pratiquer l'attention générale. Vous devrez être simplement attentif de façon générale à toutes vos actions, à tous vos mouvements, tels qu'ils se manifestent, sans nécessairement les noter et les étiqueter mentalement. Mais pendant une retraite, vous devrez ralentir tous vos mouvements, car vous n'avez rien d'autre à faire que d'être attentif. Vous devez, pendant la retraite, être attentif à toutes les activités physiques et mentales. Vous ne devrez pas parler, sauf exception. Les quelques mots que vous allez prononcer, vous devez le faire lentement, doucement, de façon à ne pas déranger les autres méditants. Vous devrez donc essayer de faire le moins de bruit possible. Lorsque vous vous déplacez, ne le faites pas lourdement, de façon mécanique. Si vous êtes attentif, que vous observez sans interruption les mouvements des pieds, vous ne ferez aucun bruit lorsque vous vous déplacerez. Vous devrez être attentif à tout ce qui se manifeste dans votre corps et dans votre esprit. Vous devrez être conscient de toutes les activités du corps et de l'esprit telles que cela se manifeste. Lorsque vous prendrez votre repas, vous devrez être attentif à toutes les actions, tous les mouvements qui sont impliqués. Lorsque vous prendrez une douche, que vous vous habillerez, que vous boirez de l'eau, vous devrez faire tout cela de façon lente et composée en observant tous les mouvements. Lorsque vous passerez à la posture assise, vous devrez le faire très lentement en étant attentif à ce mouvement en détail. Lorsque vous passerez à la posture debout, vous devrez également le faire très lentement en étant attentif à tous les mouvements impliqués dans ce processus. Vous devez faire cela parce qu'il faut que vous réalisiez la véritable nature de tous ces processus physiques et mentaux que vous observez. Les processus physiques et mentaux sont tous impermanents, ils apparaissent et disparaissent constamment. Ils sont donc impermanents. Il faut que vous réalisiez cela, c'est-à-dire la véritable nature des phénomènes physiques et mentaux. Il est donc très important de ralentir les mouvements le plus possible. L'attention et la concentration sont la base, le fondement pour les connaissances vipassana. Lorsque l'attention sera devenue continue, la concentration va tout naturellement s'approfondir. Et lorsque la concentration sera devenue profonde, la sagesse va se manifester d'elle-même, naturellement. Vous devez donc vous efforcer d'être attentif de façon constante et continue. May you be able to practice well and able to note the arising or daily sensations continuously. May your concentration become stronger with practice. Sadhu, sadhu.